ce mercredi que papa me l'avait promis. J'en ai une mi-tarif, je n'avais pas tout de suite compris. Fallait que je me décide, fallait que je choisisse le plus beau de tous les manèges. Choisir en un clin d'œil de conduire des bolides, piloter une fusée, diriger un blindé. Je laissais les chevaux de bois, le carrosse à tous les autres petits gosses. Premier tour de piste, le manège était lancé. Bien installé à bord de ma petite fusée, j'appuyais sur le klaxon, je sentais le grand frisson. Je n'avais pas peur, mais je n'étais pas rassuré. Je suivais de près le camion de pompiers. Pour pas l'humilier, je l'avais pas encore doublé. Et pour ça, j'attendrai le tour suivant. Et je prendrai un peu plus d'élan, et je n'en ferai qu'une bouchée, et je passerai devant pour leur montrer mon vrai talent. C'est en me retournant que les ennuis ont commencé. Une chenille me collait carrément. Une petite fille était au volant. Mes réacteurs n'étaient pas si puissants. Après 10 tours de piste, le pompon était lancé. Je me jette dessus, je ne voulais pas le rater. Pas le droit de se lever, sinon éliminé. C'est qu'un tour gratuit, faut le mériter. Je ne le quitte pas des yeux, il ne m'échappera pas. Mais trop concentré, il me file entre les doigts. Raté à cause de cette fusée. Je me retourne énervé et là je dus m'incliner. C'est la petite fille qui l'avait attrapée. Mais grand seigneur, je ne voulus pas pleurer. Et pour ça, j'attendrai l'année prochaine. Je reviendrai et je me vengerai. Je changerai ma fusée contre la chenille qui fait gagner. Et pour ça, j'attendrai l'année prochaine. Je reviendrai et je me vengerai. J'échangerai ma fusée contre la chenille qui fait gagner.